les sorcières de Salem, tous les démons d'Afrique noire émigrés à Harlem. Elle avait dans le fond des yeux des horizons magiques. Et c'est pour ça que je l'aime.